Aujourd'hui pour CKUT 90.3 FM, je suis avec Emrical, rappeur montréalais, membre du collectif Ça me concerne, qui organise cette semaine avec l'atelier Sud-Nord la conférence Le privilège blanc ou l'inconvénient d'être coloré. Emrical qui a sorti un album intitulé Cheval de Troie que je vous conseille d'écouter et de télécharger légalement sur internet. Bonjour Emrical. Bonjour, monsieur Cadeau, ça va? Vous faites partie du collectif Ça me concerne qui est actuellement dans une campagne de sensibilisation sur la crise en République du Congo. Pouvez-vous présenter Ça me concerne et son action? En fait, Ça me concerne est un collectif qui vise à parler du pillage des ressources naturelles qui existent en République démocratique du Congo. Et ce pillage se fait par plusieurs compagnies transnationales, dont des compagnies qui, dont le siège social est situé à la Bourse de Toronto, donc on parle aussi du Canada. Et ça me concerne aussi de parler, premièrement, du viol systématique de femmes en République démocratique du Congo et tout simplement cette opacité qui existe sur ce qu'on pourrait qualifier de génocide et qui n'est pas relayé par nos médias. Donc, Ça me concerne, c'est un collectif qui a été créé en 2012 dans la foulée du mouvement étudiant. Donc, certains étudiants racisés, si on peut dire, se questionnaient sur OK, comment être solidaire avec ce qui se passe le jour, mais aussi être solidaire sur nos enjeux qui reçoivent beaucoup d'ombrage. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a décidé de se recueillir et d'avoir cette action-là qui a commencé par des capsules web et qui a connu une certaine viralité, si on peut dire, sur les médias sociaux. On a vite réalisé qu'il y avait une limite à faire des capsules web d'information ou pour piquer la curiosité des gens. On allait créer un espace de discussion, et ce qui a donné suite à une conférence le 7 février 2013 sur le rôle des minières canadiennes au Congo. Et cette année, on revient avec, 2 ans plus tard, on revient après le constat que bien qu'on nomme qui pour nous est la vérité, on fait quand même face à un mur de déni, à un mur un mur de. En fait, on n'est pas entendu. Donc, on veut nommer les raisons pour lesquelles on n'est pas entendu. Et il y a des notions de privilège, le concept de white privilege, white supremacy, qu'on aimerait décortiquer pour par la suite aller un peu plus loin et transcender même cette question de couleur pour mettre la lumière sur ce qui fait en sorte que certains subissent l'histoire et certains façonnent l'histoire. Oui, l'idée de cette conférence, c'est vraiment de mettre en lumière des thèmes qui ne sont pas du tout abordés dans les médias traditionnels et essayer de pousser des causes qui sont aussi très oubliées au sein de au Canada et même partout au niveau de la communauté internationale. C'est clair que on a choisi les Archives de Montréal pour une raison particulière. Nous, on a une expérience de fréquentation de cette institution. On peut comprendre que plusieurs institutions anglophones ont une culture de peut-être contre-pouvoir ou de forme de dissidence au sein des mouvements étudiants qui favorisent la création d'espaces de réflexion sur des différentes dynamiques de pression. C'est pas ce qu'on a pu observer à l'Université de Montréal. Donc, bien que c'est la deuxième conférence qu'on fait dans cette institution francophone, on croit que c'est le lieu approprié pour nommer des enjeux qui touchent une bonne partie du corps étudiant, qui est un peu invisible, mais qui remplit les coffres de l'institution. Sur cette idée de white privilege, comment le définiriez-vous le white privilege, le privilège blanc, selon votre propre expérience? Cette expérience, ou plutôt ce concept, vous savez, on parle de white privilege, c'est une notion, c'est un concept qui est très réel pour certains, pour d'autres qui est un peu plus flou. Donc, c'est un peu comme le monoxyde de carbone pour certains, on en voit juste les conséquences. Ce qui fait en sorte qu'une personne racisée est interpellée plus souvent qu'une personne caucasienne. Ce qui fait en sorte que immigrant, une personne de couleur qui quitte son pays pour aller ailleurs, travailler, chercher une meilleure condition de vie, est considéré comme un immigrant, alors qu'une autre personne va être considérée comme un expat. Qu'est-ce qui fait en sorte que, les femmes autochtones sont sujets à peu près 5 fois plus de probabilité de mourir de causes violentes que les femmes blanches. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'a toujours pas de commission d'enquête indépendante sur les disparitions et assassinats de femmes autochtones? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que Freddy Villanueva, 9 août 2008, qui jouait au dé dans un parc avec ses camarades, jeune homme du Honduras, qui est arrivé au Québec à un très jeune âge, qu'est-ce qui fait en sorte que ce jeune homme-là a été interpellé par la... En fait, il est mort lors d'une intervention policière alors qu'il était non armé et que d'autres personnes qui résistent à des interventions policières, qui argumentent avec les policiers, qui nuit à la sécurité, qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là n'ont pas vu d'armes être pointées sur elles, des personnes qui sont pas colorées. En fait. Ouais, vous parlez. Moi, je ne veux pas dire le terme coloré, c'est même des personnes de couleur. Vous parlez dans votre chanson combien de morts de la mort atroce de Freddy Villanueva, et vous pointez bien le fait que il y a une racialisation de certains quartiers à Montréal comme ailleurs par cette phrase Montréal Nord, Montréal Noir. Et est-ce que pour vous c'est cette racialisation la cause majeure du problème? Je pense que la cause est plus profonde. Je pense que le profilage racial a été un catalyseur pour l'intervention du 9 août 2008 qui a mené à la mort de Freddy. Quand on parle de ces événements-là, on parle d'une goutte qui a fait déborder le vase. On peut dire que la mort de Freddy est une goutte, mais tout simplement qu'il y a plusieurs, d'innombrables événements non répertoriés que les gens subissent dans le silence du quotidien qui favorise une forme d'écœurantique qui se manifeste comme un dessous 2008 parce qu'on parle des émeutes de Montréal-Nord pour ce qui est de la cause. Il faut aller encore plus profondément que ça. Montréal-Nord est un quartier multiethnique. Montréal est un quartier où beaucoup de nouveaux arrivants espèrent se trouver un logis, un endroit où ils vont faire leur vie. Et pourquoi ça? Pourquoi les gens quittent leur pays? Pourquoi il y a un exode de cerveau d'Haïti, un exode de cerveau de plusieurs pays pour venir ici, alors que ces mêmes pays sont convoités au niveau de leur richesse naturelle, au niveau de la possibilité d'y installer des zones franches, au niveau de la possibilité d'y installer des systèmes qui bénéficient au secteur privé. Alors ça, c'est plutôt la dynamique qui fait aussi partie des causes de situations où on voit des personnes être interpellé de manière arbitraire et être considéré comme des menaces ambulantes. Est-ce que vous pouvez parler de cette idée assez politique de la conférence de briser le silence sur cet effacement de l'histoire et l'autodétermination des personnes de couleur? La conférence vise à parler d'un sujet dont on parle pas assez. Je pense que des gens de tout arrière-plan avec différents points de vue être dans une forme d'aquarium où ils vont se dire que bon, peut-être ce que je croyais, je le crois encore plus, ou je peux nuancer un peu mon point de vue. C'est ce qu'on espère. Sauf que on croit qu'il y a une dynamique macro, au niveau macro, qui nous affecte tous. Et je pense que quand on parle des enjeux de race peuvent nous diviser, les enjeux de classe, dans une certaine mesure, peuvent nous rassembler pour la plupart. Je pense pas qu'il y aura des gens dans la salle qui font partie du 1%, par exemple. Oui. Et on peut parler de comment notre système économique favorise l'effritement du tissu social, le repli identitaire et toutes les dynamiques qui en découlent. Quand on parle de white privilege, on peut parler de micro-agression, ce que je vis dans le quotidien, qui fait en sorte que si je me fâche, mais je vais avoir tendance à moins le démontrer que si, par exemple, j'étais une femme blanche ou un homme blanc. Je fais en sorte que dans mon espace de travail, je vais peut-être devoir faire plus d'efforts pour avoir l'air aussi crédible qu'un collègue de travail. On peut parler de micro-agressions, mais quand il s'agit des macro-agressions, on a un niveau peut-être plus géopolitique. C'est en sorte qu'un pays comme le Congo, qui a autant de richesses naturelles, se retrouve à faire dicter sa politique interne, autant que sa politique externe, autant que son processus électoral, autant que la gestion de ses ressources, sa posture au niveau des négociations avec les compagnies minières, qu'est-ce qu'ils font? Alors là, on est dans peut-être le niveau macro, et on espère pouvoir aller jusque à ce niveau de réflexion-là, parce que les gens considèrent que c'est un degré de réflexion qui concerne. Merci Emrical pour avoir levé toutes ces interrogations, toutes ces réflexions, et pour cet entretien. Et je rappelle à tous nos auditeurs de réserver une place pour la conférence Le privilège blanc ou l'inconvénience d'être coloré jeudi soir à 18h à l'amphithéâtre Hydro-Québec de l'UDEM. Vous pourrez trouver l'événement sur Facebook, directement sur la plage du collectif Ça me concerne, et l'album d'Emrical à télécharger en ligne.